suis juste un rigolo, qui aime parler de trémolo, qui préfère le rire aux larmes. Juste un fou du roi, et le roi c'est toi, toi, monsieur dame. Je pourrais te chanter qu'une vie m'a quitté, et ton petit cœur il saigne. Mais bye bye les sanglots, je suis juste un rigolo. Sèche tes yeux, ça baigne. Je suis juste un rigolo, j'en fais des kilos pour être fidèle à moi-même. Un mauvais jeu de mots, c'est peut-être idiot, mais moi j'aime. J'ai croisé ce matin le penseur de Rodin. Je crois qu'il a la grosse tête. Je vous file la philo, moi je suis juste un rigolo. Tu souris, c'est chouette, danse. Ah, c'est bon, dit. Ça c'est vrai. C'est bon, dit, de s'éclater. C'est bon, dit, d'oublier. Ah, c'est quel bougie. Quel bougie, quel bougie. C'est un pas sympa. Je danse comme papa, qui n'arrête pas, non. J'ai dit tout le monde, oh la bonne, oh les beaux danseurs, les beaux danseurs, allez les enfants. Bapada, bada, brrva. Ah, c'est bon, dit. Ça c'est vrai, c'est bon, dit, de s'éclater, c'est bon, dit. Da, da, da, da, da, da.